Bienvenue à toi, cher auditeur. Heureux de te retrouver après ce repos bien mérité. Et forcément, quand je sors de ce repos, paf, confinement. Bon, et autant dire que les choses n'ont pas été simples de ce point de vue-là, mais bon, c'est pas le sujet du jour. On pourrait croire que j'aurais eu plus de temps pour raconter mes intrigues au micro, mais évidemment, ça n'a pas été le cas, vous l'avez bien remarqué. Bref, assez parlé de moi, attaquons les choses sérieuses et cette saison 3 des Contes de la Crypte. Et on commence à fond avec l'histoire de ce soir. Lou Paloma, un sale type incarné par Bruce McGill. Tu le connais sans doute mieux pour être Jack Dalton, l'ami de MacGyver. La même année, il jouera également le patron de Bruce Willis dans le très efficace et très 90s Le Dernier Samaritain de Tony Scott. On le retrouvera également en 2009 dans l'efficace, quoique un peu discutable, Que Justice Soit Faite, où il est l'avocat mentor de Jamie Foxx. À ses côtés, sa femme Irène, interprétée par Terry Garr. Elle a été nominée à l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour Tootsie en 1983, mais tu la connais sans doute plutôt pour son rôle de Ronnie Neri dans Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Elle est également la voix originale de Mary McGuinness dans Batman Beyond. Et ce couple au bord de la crise de nerfs tente vainement de survivre malgré le caractère irascible de Lou qui lui vaut de perdre tous ses jobs. Endetté jusqu'au cou, ce dernier a une idée de génie. Mettez des grosses guillemets à génie. Simuler sa propre mort pour toucher l'argent de son assurance vie. Il demande donc l'aide de son frère, médecin légiste, interprété par Bruno Kirby. Ce dernier a été le jeune Clemenza dans Le Parrain 2 de Francis Ford Coppola, ou encore le second lieutenant Stephen Hawke dans le sublime Good Morning Vietnam de Barry Levinson. Chérie, tu ne vas pas les laisser annuler cette police, n'est-ce pas? C'est la seule sécurité que nous avons ici. Ah, imagine... Si jamais il t'arrive quelque chose. Ah, si on pouvait profiter de cette sécurité sans que j'aie besoin de mourir. Peut-être qu'on pourrait effacer toutes nos dettes et qu'il nous en resterait même un petit peu. Mais Lou... Allô, oui? Allô, Billy, c'est moi. T'as rien prévu ce soir? Parfait, j'en étais sûr. Tu rappliques ici. Je suis très occupé. Occupé? Qu'est-ce que tu peux faire de si important? Tu donnes une petite sauterie avec tes Maccabées ou quoi? Je fais mon travail, Lou. Eh ben, il peut attendre. Deux secondes, c'est très important. Bon, alors, pour cet épisode lançant la saison 3, on retrouve le copain Rob Draper, que l'on avait déjà vu la saison précédente dans trois épisodes, dont le très agréable Terreur en direct. Un peu plus tard, il officiera dans le pas fameux Dr. Rictus, avec Larry Drake, que l'on a vu également dans les contes, au moins deux fois déjà. À ses côtés, le compositeur Peter Allen, qui composera un peu plus tard la bande originale de Cyborg 2, et qui officiera plus tard beaucoup pour la télévision sans laisser néanmoins de compos mémorables. Le scénario est signé Scott Alexander, scénariste plutôt discret mais efficace. On lui doit notamment Junior le Terrible, dont on vous a parlé récemment dans Podcorn, ce qui fera donc plaisir à Raphaël. Mais surtout Ed Wood, de Tim Burton, ou Man on the Moon, le magnifique biopic de Milos Forman avec un Jim Carrey au meilleur de son talent. Quant au réalisateur de cet épisode, il s'octroie un petit caméo dans le rôle du procureur. Ah, tu veux savoir qui c'est en plus? Bon, après tout, c'est la star de l'épisode, hein, c'est Michael J. Fox. Si jamais tu as passé la fin des années 80 et le début des 90 dans une caverne, il a joué dans de nombreux films comme La Manière Forte, Teen Wolf ou encore Fantôme contre Fantôme, excellent film de Peter Jackson qui aurait dû, au départ, être un conte de la crypte. Ah oui, bon, il a aussi joué dans une petite trilogie pas trop connue sur les voyages dans le temps... Vous savez, un truc mis en scène par Robert Zemeckis, un des hommes à l'origine des contes, s'il faut vous le rappeler. Ah, j'ai le nom sur le bout de la langue, mais ça me revient pas. Ah bah tiens, puisqu'on en parle, le blouson de loup au début du film porte le nom de Zemeckis Pizza, donc petit clin d'œil. Et le shérif est interprété par James Tolkan, qui joue aussi le directeur Strickland dans Retour vers le futur. Voilà, c'était ça le nom de la trilogie, Retour vers le futur. Je veux être mort. Mort. Décédé. Ou plutôt, je voudrais que tout le monde me croie mort. Mon assureur sur la vie en particulier. J'ai souscrit une police de 250 000 dollars avec le double en cas de mort violente, ce qui me met mort à 500 000 de billets. Net. Et tu veux que je t'aide à faire ça? Mais je peux pas faire ça, Lou. J'occupe un poste officiel. Tu es mon frère, la famille passe avant tout. Est-ce que tu perds la boule? Tu nous demandes de commettre une escroquerie, mais on pourrait aller en prison pour ça. Pupus, je te parle 500 000 de billets, là. Billy, je t'enfilerai une partie. Non, je ne peux pas le faire. Tu peux pas. Tout ce que t'as à faire, c'est de me déclarer mort et de dire qu'on m'a assassiné. T'es légiste, ils te croiront. Où est le problème? Lou, c'est hors de question. C'était pas une question, Billy. Si tu m'aides pas, je dirai à maman comment tu lui as piqué l'argent de sa pension. Mais j'ai piqué le pognon pour toi. J'en ai jamais vu la couleur. C'est ce que je lui dirais. En plus, c'est toi qui t'en occupais pour elle. Et maintenant, passons à la note. Bon, casting 2. Soyons honnêtes, le casting est efficace, porté par des acteurs de second rôle solides, mais n'a pas ce petit plus qui porterait la note à son maximum. VF3. La VF est très convaincante et elle rehausse le casting et petit bonus, le flic à la voix du Crypt Keeper. Humour 1. L'humour est peu présent si on excepte la méchanceté du script. Par contre, il y a un léger érotisme assez soft. Scénario 2. Simple, efficace, mais surtout assez méchant. Un petit concentré de méchanceté qui pique gentiment. Manque encore une fois le petit supplément, soit de noirceur, soit d'humour, pour passer à la note maximum. Ambiance 1. Bon, on va pas se mentir, on est clairement dans le télévisuel. On a une ambiance très soap, une lumière qui nappe et affadit le tout, et une musique qui marquera pas les annales. Réalisation 2. Eh ben, c'est plus que correct. Michael J. Fox derrière la caméra n'est pas manchot. Il y a même un petit côté Sam Raimi, un peu plan-plan, ok, mais prometteur. Et bonus 1, évidemment, le plaisir de revoir Michael J. Fox et les nombreux clins d'œil me font un appel du pied. Alors, ce qui nous fait un total de 12 sur 20, bah, c'est un bon épisode, pas franchement mémorable, mais loin d'être honteux. Une ambiance un peu plus marquée et un cast peut-être un chouï plus costaud auraient arrangé le tout. Bon, on a des débuts prometteurs pour l'apprenti réalisateur, on pourrait regretter qu'il n'ait pas réitéré. Et on peut aussi noter que c'est le premier épisode de la collection DVD légèrement contestable qui est sorti chez nous. Voilà. Mais encore une fois, faites-vous votre propre avis et on se revoit le plus tôt possible. Allez, bonne soirée à tous, salut!